Psy, une émission proposée par Alexis Chrysostalis. Chers amis, nous parlerons aujourd'hui de la dispersion orthodoxe dans le monde, c'est-à-dire de l'établissement des différentes communautés orthodoxes à travers le monde, et en particulier en Amérique et en Europe occidentale. Des sociétés donc de tradition et de culture différentes de celles des pays dites de tradition orthodoxe. L'occasion pour parler de ce sujet vaste et toujours actuel nous est donnée par la parution aux éditions Fayard d'un livre écrit par Jean-François Colosimo dont le titre est « Dieu est américain ». Ce livre traite de la présence de la religion dans la vie publique, politique et sociale aux États-Unis. Avec nous autour de ce micro, deux personnes qui connaissent bien les États-Unis et le sujet que nous présentons. D'abord, l'auteur de cet ouvrage, Jean-François Colosimo, qui enseigne la patrologie à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge et qui a fait une partie de ses études théologiques à New York. Puis, Georges Prevelakis, professeur de géographie politique et culturelle à l'Université de Paris 1, spécialiste des questions religieuses et qui a enseigné pendant 2 ans à Boston. Jean-François Colosimo, commençons par vous et le titre provocateur de ce livre, « Dieu est américain ». Accompagné d'un sous-titre qui comprend un néologisme, de la théodémocratie aux États-Unis. Qu'en est-il au fait ? Alors d'abord, un dieu n'est vraisemblablement pas américain, il faut le dire. Tout de même, il n'est pas plus américain qu'il ne serait français, russe ou grec. Évidemment, c'est une manière de désigner l'alliance entre la religion et la nation, n'est-ce pas ? Et d'un autre côté, théodémocratie, parce que généralement, on oppose théocratie et démocratie. Une théocratie, c'est le règne absolu de Dieu. Une démocratie, c'est le règne absolu du peuple. Il semble qu'il n'y ait pas de possibilité de combinaison entre les deux. Eh bien, il y en a une. C'est en fait la forme de la religion civile américaine. Aux États-Unis, on a une réelle démocratie, mais qui en même temps est ordonnée à Dieu. Aux États-Unis, la religion est partout. Les églises ne sont pas soumises à l'État, mais l'État, lui, n'est pas libre de Dieu, n'est-ce pas ? Et c'est cette médiation que j'essaie d'explorer. L'État n'est pas libre de Dieu. L'État n'est pas libre de Dieu au sens où, en fait, les États-Unis reposent sur un pacte originel entre, d'un côté, les sectes protestantes, comme on disait alors, qui étaient des protestantismes extrêmes, qui avaient fui l'Europe, la monarchie, les monarchies, la papauté, et souvent même les monarchies protestantes, et qui avaient trouvé dans cette terre nouvelle, dans ce nouveau monde, une terre promise, les sectes protestantes qui fuient l'ancien monde, le vieux monde, en fait, répètent l'histoire d'Israël, elles arrivent sur une terre promise, n'est-ce pas ? Elles traversent la mer Rouge, dans l'Atlantique, c'est la mer Rouge, où George Washington sera un nouveau Moïse, etc. Et d'un autre côté, il y a les pères fondateurs qui, eux, sont des déistes, des hommes des Lumières, des rationalistes, quelquefois francs-maçons, et qui, eux, veulent un monde de la tolérance, n'est-ce pas ? Qui veulent mettre Rousseau, si l'on veut, Locke et tous les grands philosophes politiques de la modernité, qui veulent les mettre en pratique. Il va y avoir une alliance entre les deux, et aux États-Unis, religion va vouloir dire émancipation, libération, alors que en Europe, évidemment, religion est souvent synonyme de coercition, de répression. Et voilà donc qu'il va falloir trouver un espace politique où aucune confession, aucune église ne va prendre le pouvoir, puisque toutes les églises doivent pouvoir vivre là, n'est-ce pas ? Toutes les formes de religiosité, mais en même temps, l'État va se soumettre à un dieu un peu abstrait, un dieu un peu moral, qui est le dieu du déisme, qui est le dieu qui dit que, en fait, il y a un peuple élu qui s'appelle le peuple américain, qui est là pour que le bien règne, en quelque sorte, sur cette terre nouvelle. Et c'est cette articulation qui explique qu'aux États-Unis, le président, lorsqu'il s'engage, vote, prête serment, sur la Bible, n'est-ce pas ? Ça, c'est un signe énorme. Et je cite beaucoup tous les discours inauguraux qui tous font appel à un grand vocabulaire biblique de l'alliance, de la liberté et autres thèmes, en fait, hérités de l'Exode et des autres grands livres du Pentateuque, de la Torah. Alors voilà, la loi aux États-Unis, elle est libératrice parce qu'elle est quand même d'inspiration divine. Georges Prevelakis, comment voyez-vous la présence de la religion dans la vie politique aux États-Unis ? Je pense que ces livres sont extrêmement intéressants parce qu'ils nous présentent de manière claire et assez bien documentée une version de la combinaison entre la modernité et la religion extrêmement intéressante, très efficace. J'ai tendance à la comparer à la combinaison entre orthodoxie et modernité qu'on a vue dans les Balkans, où en fait la religion est devenue le fondement des identités nationales, ce qui, dans la tradition orthodoxe, est évidemment très contradictoire, et ça renvoie au grand débat du XIXe siècle sur l'ethnophilétisme. On voit que cette vision un peu franco-française d'une séparation entre le politique et le religieux n'est pas très valable. Et dans les cas américains, on a une autre version, sorte de, là aussi, de fondement de la vie politique sur la religion, mais sur l'ensemble des religions. Ma réaction à ces livres, ou la question que je me pose, que je voudrais poser, c'est: est-ce que ces systèmes n'est pas en train d'entrer en panne? Est-ce qu'il n'est pas arrivé à ses limites? Et cette question, je me la pose de manière un peu plus générale pour les États-Unis. Ça a été une énorme réussite, le système américain. Il a eu sa grande victoire avec la fin de la guerre froide. Avec l'Union soviétique, nous avons un parallélisme qui remonte à Tocqueville, n'est-ce pas? Les deux peuples qui ont confirmé la prophétie de Tocqueville, ils ont dominé le monde au XXe siècle. On peut se demander si ce parallélisme ne risque pas de continuer, c'est-à-dire l'Union soviétique était, paraissait extrêmement solide, monolithique, etc. Finalement, la fin du système communiste est venue de l'intérieur. On commence à se poser des questions un peu similaires à propos des États-Unis quand on regarde l'extrême fanatisme de certains mouvements religieux et l'importance qu'ils prennent. Comme si, justement, ces systèmes qui étaient fondés sur des équilibres, sur des systèmes de consensus, de tolérance, etc., comme si ces systèmes arrivent un peu à ses limites dans un monde qui change très rapidement, qui sort de cette logique que nous, spécialistes de la géopolitique, appelons logique westphalienne, n'est-ce pas, avec les défis de la mondialisation, de l'existence de plusieurs cultures, de diaspora, du rôle des diasporas, des identités religieuses qui émergent. Je pense que c'est ça la grande interrogation géopolitique de notre époque, étant donné qu'on vit dans un monde qu'on considère comme dominé par la présence des États-Unis. C'est la question la plus cruciale. Est-ce qu'on va continuer à vivre dans un monde dominé par les États-Unis, ou est-ce que on peut envisager une autre hypothèse d'une éventuelle implosion du système américain, pas aussi dramatique et aussi spectaculaire que celle de l'Union soviétique, mais enfin, c'est ça la grande question qui va déterminer pas mal d'enjeux géopolitiques d'avenir. Et la question religieuse, je pense, est centrale dans cette interrogation. Jean-François Colosimo. Oui, je crois que Georges Brevelakis a mis le doigt sur un peu les conclusions implicites du livre, qui ne sont pas dites comme telles, mais qui sont un peu laissées, je dirais, à la déduction du lecteur, n'est-ce pas? C'est effectivement à travers le prisme religieux qu'est vue la possibilité du déclin déjà amorcé des États-Unis, en sachant que d'autres, comme Emmanuel Todd, ont vu ce déclin amorcé dans d'autres domaines avec d'autres, je dirais, avec d'autres indicateurs tels que la démographie, l'industrie ou l'innovation, etc. Mais ce qui me semble important, c'est de se rendre compte de plusieurs choses. La première, c'est que, un, les États-Unis sont aussi touchés dans la mondialisation en tant que, je dirais, que leur vision politique est réellement nationale. Ils n'ont pas une vision mondialisée de la mondialisation, ils ont une vision nationale. Donc ils sont au même titre que les autres, n'est-ce pas, dans cette vision. Ils ont une projection, leur fond religieux leur fait voir la mondialisation à travers leurs propres yeux aussi comme une menace, parce qu'il y a un caractère américain qui est fondée sur une religiosité américaine, et on verra ensuite comment d'ailleurs elle menace cette religiosité, elle contamine un peu toutes les religiosités qui sont présentes sur son territoire. Et puis deuxièmement, surtout, le schéma américain, le schéma théologique le plus profond de l'Amérique, ce n'est pas du tout l'impérialisme comme certains voudraient le dire au sens politique, c'est-à-dire une vision où les États-Unis prendraient le monde de force, en quelque sorte. C'est une vision non pas messianique, mais plutôt une vision millénariste. C'est-à-dire, vous savez, dans l'Apocalypse, il est question de ce millénium, de ces mille ans, où le Christ régnera avec ses disciples. ses élus sur la terre, n'est-ce pas? Et l'Amérique se prend un peu pour le territoire de ce millénarisme. Je crois que les Américains ne sortent dans le monde qu'à regret, parce que le vieux monde pour eux est un monde menaçant, et il faut que le territoire de la liberté, le territoire divin, le sanctuaire en quelque sorte donné par Dieu, soit préservé du mal, et donc ils sortent à l'extérieur pour en quelque sorte calmer les irruptions possibles du mal sur leur propre territoire. Mais l'extérieur au fond ne les intéresse pas, et ils sont vraiment concentrés sur eux-mêmes. D'où d'ailleurs cet immense territoire du cœur des États-Unis où se fabrique la religion américaine, puisqu'il ne faut pas confondre les États-Unis avec la Californie ou avec New York, n'est-ce pas? Mais c'est bien tout ce territoire intérieur où on va d'ailleurs trouver les fondamentalistes, où on va trouver les baptistes, où on va trouver en fait toute cette effervescence religieuse qui nous surprend tellement. Alors vous dites dans votre livre quelque part, autrement dit, la conjonction des Lumières et de la Bible opère une laïcisation de l'Église et une théologisation de l'État. Alors comment voyez-vous ça? C'est très simple. D'abord, aux États-Unis, quand vous êtes aux États-Unis, vous voyez des monuments parareligieux un peu partout, dès lors qu'il s'agit de politique, n'est-ce pas, les capitoles des différents États. Washington est une sorte de ville géométrique, c'est la religion impériale à la manière de Rome, avec ses monuments, avec ses rites, le nom de Dieu est sur le dollar. Vous avez évidemment, on l'a dit, le président qui prête serment sur la Bible. Vous avez aussi des fêtes, qui sont des fêtes laïques, mais en même temps religieuses. Thanksgiving, n'est-ce pas? Rendre grâce. On rend grâce à qui? On rend grâce de quoi? Ça, on le sait. Du fait d'être là, d'être dans le nouveau monde. Mais on rend grâce à qui? À un Dieu qui doit être assez impersonnel pour être le Dieu de tout le monde. Il y a des martyrs, il y a des saints, n'est-ce pas? Lincoln, le président assassiné pour l'unité du pays. Celui qui disait, nous sommes un peuple presque élu. Et puis, il y a un texte sacré qui s'appelle la Constitution et qui sont les grandes chartes précédentes. Donc, on a tout un apparat religieux qui est un apparat d'État et qui est en fait une religion civile dans laquelle tous les Américains sont invités à s'inscrire. Et à côté de cela, on a, donc ça c'est la religion civile, je dirais, une sorte de religion unique, étatique. Et puis à côté de ça, on a une religion commune, parce que quand vous allez aux États-Unis, on va en parler peut-être un peu plus tout à l'heure, que vous soyez dans une synagogue juive, un temple protestant, une église catholique ou une église orthodoxe, en fait, hormis quelques signes spécifiques, l'ambiance hein, est la même, les chants sont les mêmes, l'architecture est la même, vous avez une sorte d'égalisation, parce que toutes les religions sont invitées, en fait, à entrer dans le pacte de la tolérance et à vivre ensemble dans cette religion unique qui est sur coiffe et qui est vraiment, je le répète, la religion de la tolérance. Ma question s'adresse à vous deux. Georges Prevelakis, dans le livre de Jean-François Colosimon, il y a quelque chose sur l'américanisation des religions. Alors il dit que l'islam, considéré comme la plus anti-américaine des religions à l'échelle planétaire, demeure la moins américanisée des religions présentes au sein de l'Union. Nous sommes chrétiens orthodoxes, cette émission s'intitule Orthodoxie. Que pensez-vous des orthodoxes? Aux États-Unis, voit-on une américanisation de l'Église orthodoxe? Alors, oui, je pense que ce processus de l'américanisation est tout à fait valable, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, donc il y a des étapes. Donc, une chose qui m'a frappé, c'est que vous avez des paroisses extrêmement orthodoxes, extrêmement différentes, qui donc représente une diversité à la fois spatiale et temporelle. C'est-à-dire, on va dans des paroisses et on est dans une ambiance orthodoxe traditionnelle. Et en fait, il y a des paroisses où l'américanisation est tellement poussée qu'on ne sait pas où on est. Hein, parce que, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur l'ambiance, il y a une chose qui, je pense, est assez significative, parce qu'elle est peut-être moins visible à première vue, c'est une certaine discipline au sein de l'Église. Parce que l'ambiance orthodoxe est un peu chaotique. Hein, c'est-à-dire, on est là, très à l'aise, les enfants qui courent, qui font du bruit. Ensuite, on ne respecte pas l'ordre quand on fait la queue, etc. Bon. C'est cette ambiance orientale, chaotique, qui est assez typique que très souvent on déplore, mais quand même en un moment on aime bien, parce que ça fait partie de notre vécu. Eh bien, pas du tout aux États-Unis. En États-Unis, dans l'église orthodoxe, on est bien discipliné, on est assis, on a sa place, et ensuite on va s'élever pour entrer, pour sortir, avec un certain ordre. On voit déjà la marque d'une discipline qui, je pense, pénètre et envahit toute la vie américaine. C'est la norme aux États-Unis. C'est cette société qui a été créée presque de toutes pièces à partir d'éléments très variés, etc. Elle est unifiée par un certain nombre de choses. Et une de ces choses, c'est la discipline, c'est la norme, c'est l'organisation. Alors ça, quand on entre dans l'église orthodoxe américaine, on les voit. Bien sûr, à des degrés différents, comme je disais, selon l'étape de l'américanisation. Donc, cette diversité spatiale, elle est aussi temporelle parce qu'elle exprime la genèse de l'immigration. Les orthodoxes qui viennent d'arriver, ils préservent et ils préservent leur tradition et ils ont tendance à créer des paroisses, des communautés où leur vécu, enfin leur expérience de vécu, peut être exprimé. C'est que de deuxième et troisième génération, ils continuent à être orthodoxes parce que il faut être dans une catégorie religieuse aux États-Unis, ça n'a pas d'importance laquelle, mais il faut être dans une catégorie. On peut pas être. Je pense que ce qui est difficilement toléré, c'est de ne pas avoir d'appartenance religieuse. C'est pas comment on peut être athée aux États-Unis. Hein. À partir du moment où on est dans une catégorie, ça va. Mais quand on est troisième génération, eh bien c'est une ambiance, c'est une culture orthodoxe qui est beaucoup plus américanisée. Donc nous avons ces degrés d'américanisation qui est aussi, à travers la religion, je dirais, est exprimé à l'intégration. C'est-à-dire quand on est dans une ambiance religieuse américanisée, c'est-à-dire qu'on est devenu américain. Et ça pose bien sûr des problèmes. Ça explique les énormes tensions que nous avons rencontrées à l'église orthodoxe grecque. Parce que il y a ceux qui ne sont pas très américanisés et qui tiennent à préserver leur tradition et qui demandent d'une certaine manière une sorte de réorthodoxisation ou de réhellénisation dans le cas grec de cette église. Il y en a les autres qui disent, mais nous sommes chez nous, nous sommes aux États-Unis, et donc on ne veut pas, on veut garder ce mélange d'orthodoxie et les tensions, comme on sait, ont été extrêmement dures. Nous allons faire une pause à la tension, elle est liturgique. Elle concerne une très grande fête que notre Église célèbre ces jours-ci, celle de la Dormition de la Mère de Dieu, fêtée le 15 ou le 28 en fonction du calendrier suivi. C'est le chœur byzantin de Grèce dirigé par Lycurgos Angelopoulos. Et voici le texte de ce stichère. Merveille, la source de la vie est déposée au tombeau et sa tombe devient l'échelle du ciel. Réjouis-toi, Gethsemane, temple sacré de la Mère de Dieu. Fidèle, écrions-nous avec l'archange Gabriel. Pleine de grâce, réjouis-toi. Le Seigneur est avec toi, qui au monde, par toi, donne la grâce du salut. Oh. voilà une fête célébrée partout et par tous les orthodoxes où qu'ils se trouvent. Une petite question. Avez-vous remarqué dans la célébration des grandes fêtes une participation différente sur le continent américain, de caractère, je veux dire, différent, où on peut remarquer que les Grecs aux États-Unis font comme les Grecs de Grèce, que les Russes font comme les Russes de Russie, et les orthodoxes américains s'intègrent dans ce système, ou c'est plutôt les autres qui ont changé leur façon de célébrer? Jean-François? Oui, il faut savoir que il y a un rouleau compresseur de l'identité américaine qui est extrêmement forte, sous le prétexte de la liberté, n'est-ce pas? Il faut se rendre compte qu'en fait, en France, par exemple, il y a un véritable programme d'intégration, d'assimilation de l'étranger arrivant et décidant de se naturaliser français. Aux États-Unis, on est face à une politique étatique moins forte, mais on est face à une emprise culturelle aussi forte. Les immigrés arrivent, leurs enfants, ils ne sont pas des Américains, leurs enfants sont des Américains, n'est-ce pas? Et ce qui est permis, c'est de garder en fait une sorte de vernis folklorique. Le catholique italien mange des pâtes et le grec orthodoxe mange de la moussaka. Souvent, il y a une forme un peu de réduction folklorique. Et comme l'Église est le grand espace associatif aux États-Unis, c'est ça qu'il faut bien comprendre, n'est-ce pas? Je veux dire, on passe la journée, le dimanche, on passe tout le dimanche, le samedi pour les juifs, le vendredi pour les musulmans, le dimanche pour les chrétiens, on passe tout le dimanche sur son lieu de culte, parce que le lieu de culte vous donne le culte, mais il vous donne aussi les réseaux, il vous donne aussi les capacités de vous marier, au fond, il vous donne le fait de jouer à la loterie l'après-midi, vos enfants font du basket, il y a un terrain de basket à côté de l'église, etc. Donc la vie associative, elle est très souvent à travers le médium religieux, et c'est pour cela qu'au fond, il y a nécessairement donc une américanisation de la liturgie, n'est-ce pas? Alors, dans le monde orthodoxe, typiquement, elle se traduit par des phénomènes très clairs. Le passage très fréquent à l'anglais, avec des parties assez résiduelles dans la langue liturgique d'origine, le grec, le slavon, l'arabe, et aussi une réduction de l'iconostase, c'est cette notion assez démocratique, la transparence américaine, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avoir de grandes iconostases, n'est-ce pas? On a des chœurs extrêmement flamboyants parce qu'on est on est au pays d'Hollywood, on est au pays du chant. Non mais c'est vrai, sans rire. Et puis, une forme un peu de démocratisation du clergé. Les évêques sont bossis, ce sont des boss, quoi. Hein, ce sont des chefs d'entreprise aussi, ils doivent se montrer capables d'être des chefs de lobbying. Donc il y a une recomposition complète. On est quand même sur un stade, je dirais, où le phénomène communautaire, le phénomène d'être ensemble, l'emporte sur la sacralité verticale. Vous voyez, on n'est pas dans la contemplation du ciel, on est dans la joie d'être ensemble. Et ça, c'est typiquement américain. Georges Prévelakis, qu'en pensez-vous? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est fondamental. Mais en même temps, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire il y a une diversité, il y a aussi la diversité. Ce qui fait qu'on a aussi de paroisses qui peuvent avoir les atouts et les inconvénients d'une vision plus balkanique de l'orthodoxie. Je veux dire, cette ambiance qui nous est chère, d'Orient d'un côté, et ensuite on peut trouver aussi les exagérations de nationalisme orthodoxe, des discours parfois des prêtres qui peuvent même choquer. Il y a cette logique fondamentale que Jean-François décrit, mais avec aussi une diversité qui peut être assez étonnante, mais qui joue aussi son rôle, parce qu'il y a, de cette manière, il y a de la place pour tout le monde, c'est-à-dire personne ne se sent exclu parce que chacun, selon les moments de son évolution vers l'américanisation, peut trouver un espace. Donc il y a une combinaison, une articulation d'espace et de temps qui est assez intéressante. Jean-François Grosimont? Oui, je suis tout à fait d'accord avec Georges Prévelakis, dans le sens où effectivement, ce que je voulais dire aussi, c'est que le fait d'être entre soi, et une fois qu'on a fermé les portes, l'entre-soi peut aussi être un défouloir par rapport à justement un peu ce bulldozer de bienséance, de political correctness, du fait d'être politiquement correct, de la bienséance américaine, le côté très hygiénique de la vie américaine qui va mal quand même au peuple orthodoxe, quoi, en quelque sorte. Alors évidemment, des fois on se retrouve entre soi, une fois fermé les portes, c'est le défouloir. On se réorientalise dans le temps de l'église. Mais à côté de cela, quand même, je voudrais dire que de manière plus profonde et à un niveau national, toutes les églises traditionnelles qui sont présentes aux États-Unis ont condamné la guerre préemptive promue par George Bush, c'est-à-dire le fait de pouvoir attaquer qui l'on veut, quand on veut, parce qu'on le sent comme une menace. Puisque tous les chrétiens tiennent à la théorie de la guerre juste qui a été élaborée par les pères de l'Église et qui a donné lieu au droit international, n'est-ce pas ? Et donc, en fait, toutes les églises historiques, les églises qui viennent d'ailleurs, toutes les églises qui viennent d'Europe, aux États-Unis, se trouvent aujourd'hui un peu marginalisées, n'est-ce pas ? Par rapport aux églises proprement américaines, qui sont les églises évangélistes, pentecôtistes, qui sont en fait des églises baptistes, fondamentalistes, enfin tout ce côté vraiment de christianisme américain tel que nous le voyons sur nos écrans de télé, dans nos magazines, etc. Et parfois désormais aussi dans nos banlieues à Paris, n'est-ce pas ? Puisque c'est un mouvement très vivace à l'échelle mondiale. Mais pour finir, l'église orthodoxe, elle souffre aussi, comme l'église catholique, comme l'église anglicane, d'une certaine marginalisation. Elle souffre d'autant plus cette marginalisation que sur nombre de dossiers de la politique étrangère américaine, où l'Amérique exprime sa propre foi en elle-même, les orthodoxes sont retrouvés en porte-à-faux. Ils n'étaient pas pour partir du Vietnam en raison de leur anticommunisme. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec les bombardements du Kosovo de manière globale, même s'ils n'étaient pas forcément slaves. Ils ne peuvent pas se sentir très proches d'une politique inconditionnellement en faveur d'Israël, de par le fait qu'ils savent très bien que les chrétiens palestiniens sont en majorité orthodoxes, etc. Donc, on voit que là, il y a un hiatus quand même, et c'est un hiatus qui est commun à toutes les églises historiques. Ben écoutez, cette conversation est fort intéressante. Je vous propose de la continuer dans 15 jours, au cours de notre prochaine émission. Ce sera le dimanche 3 septembre. Jean-François Closimo, Georges Prevelakis, merci. Ainsi prend fin Orthodoxie, une émission sous l'égide de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France proposée par Alexis Christostalis. Chargée de réalisation, Sylvie Migaud. Prise de son, Jason Taous. Notre adresse, Orthodoxie, Radio France, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220 Paris Cedex 16. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter cette émission sur le site franceculture.com.